Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Contes de Marcel. Avant toute chose, laissez-moi nous présenter et répondre brièvement à cette question : qui sommes-nous ? Eh bien, nous sommes deux derrière ce projet. Deux amies de longue date, toutes deux mamans d'enfants de 3 à 5 ans au moment de la création du podcast. Et toutes deux animées par l'envie de proposer des histoires originales et qui cassent les codes habituels des contes pour enfants. Sans en faire le sujet de nos récits, nous souhaitons véhiculer à travers eux des valeurs qui sont chères à nos cœurs, telles que l'écologie, la tolérance, l'entraide, le respect de soi et des autres, le féminisme, la solidarité, la bienveillance. Et je vais arrêter là car je crois que vous avez compris l'idée. Les histoires seront adaptées aux différentes tranches d'âge. Et cela sera évidemment précisé au début de chaque conte. En plus du podcast, vous pourrez poursuivre l'aventure de chaque récit en nous retrouvant sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet, l'Atelier de Marcel. Vous pourrez y télécharger gratuitement les textes illustrés des histoires qui sont diffusées sur le podcast, mais aussi y découvrir plein d'autres surprises. Pour ne louper aucun de nos contes, pensez à vous abonner au podcast. Enfin, n'hésitez pas à parler des contes de Marcel autour de vous. Et si vous voulez nous soutenir, rien de plus simple. Il vous suffit de nous laisser ici un commentaire et de mettre 5 étoiles au podcast. Ça ne vous coûtera rien d'autre que quelques secondes de votre temps et ça nous sera d'une grande aide. Merci d'avance. Je vous dis à très bientôt pour découvrir notre premier conte. Bien à vous, votre Marcel.